Ce vendredi à la vie en BD, des histoires de fantômes, les 10 ans des rendez-vous de la BD, un regard sur Calvin et Hobbes et nos commentaires lecture. Vendredi à tous et à toutes, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler du 9e art, pour parler de bandes dessinées. Quelques éléments au rendez-vous cette semaine et notamment un bel anniversaire. C'est notre collaborateur Michel Giguère qui souligne le 11 février prochain le 10e anniversaire de ces rendez-vous de la bande dessinée. Alors, on va faire un petit inventaire avec lui de certaines de ces thématiques qui ont été évoquées au fil des années et de son approche également. Donc pour voir un peu de quelle manière on peut aborder l'analyse de la bande dessinée, une analyse thématique. Également, il y aura en deuxième partie d'émission Mathieu Place qui sera avec nous. Donc, il viendra nous parler de bande dessinée anglophone. Il a été, évidemment, comme plusieurs, charmé par la collaboration de Bill Watterson au Festival de la bande dessinée francophone d'Angoulême, Festival international, pardon, de la bande dessinée d'Angoulême, où Monsieur Watterson avait fait l'affiche et le reste est... On a eu des belles excuses pour parler de Calvin et Hobbes, pour redécouvrir nos Calvin et Hobbes, et c'est également ce qu'il a fait. Alors, on en parle tout à l'heure. Et sinon, dans quelques instants, on aura l'occasion de jaser avec Yann Mongrain de sa bande dessinée Dominique, qu'il offre du côté du studio Lunac. Une histoire à saveur fantomatique, un univers tout en gris et bleu. Une BD muette fort charmante dont on vous parle tout à l'heure. Sinon, dans l'actualité, cette semaine, évidemment, on parle de Charlie Hebdo. Ça demeure incontournable. Le revoilà bientôt, donc le numéro 1179 de Charlie Hebdo qui sera disponible en kiosque le 25 février prochain, soit quelques semaines après le numéro des survivants du 14 janvier qui avait, on s'en rappelle, été tiré à plus de 7 millions d'exemplaires. Anne Homais, chargée de la communication de l'hebdomadaire satirique depuis l'attentat contre la rédaction du 7 janvier dernier, a expliqué qu'il y a quelques jours, l'absence de Charlie Hebdo par le deuil, par la fatigue et par la surexposition médiatique auxquelles était confrontée la rédaction. Sinon, autre nouvelle, Henri Gion, dit Géry, est décédé le 3 février dernier à l'âge de 80 ans. Le Belge avait notamment dessiné à partir de 1969 les premiers épisodes de Monsieur Magellan parus dans le journal de Tintin sur des scénarios de Jean Van Hamme puis d'André-Paul Duchâteau. Sa dernière bande dessinée est Lady Black face au diable qui a été publiée en 1980. Anniversaire peut-être un peu plus heureux. On parle de Bécassine qui a fêté ses 110 ans le 2 février dernier. D'ailleurs, l'engin de recherche Google s'était mis aux couleurs de Bécassine pour souligner cet anniversaire. La célèbre bonne bretonne est apparue, on s'en rappelle, on s'en rappelle façon de le dire évidemment, est apparue pour la première fois dans le magazine La Semaine de Suzette le 2 février 1905 grâce au crayon du dessinateur Émile-Joseph Porphyre Pinchon, considéré comme la transition entre les histoires illustrées et la bande dessinée moderne. Bécassine est née 3 ans avant Les Pieds Nickelés et 24 ans avant Tintin. Et dernier petit notule, les éditions Bambou vont inaugurer le 11 mars prochain Bambou au carré. Donc c'est une nouvelle collection jeunesse au concept original. Pour chaque aventure, le lecteur va pouvoir choisir entre deux formats. Alors un format BD traditionnel couleur 80 pages cartonnées avec un petit dossier bonus qui va coûter un peu plus cher évidemment. Et une autre version manga en noir et blanc de 152 pages, format livre de poche qui coûte moitié moins. Alors... est-ce que c'est un peu pour rejoindre d'une certaine façon un public jeunesse qui justement est très happé, accroché par les mangas, par le format des mangas? Alors est-ce que justement l'idée de proposer deux approches autour de ces bandes dessinées permettra d'aller rejoindre un public plus vaste tout en gardant le public qui est déjà là et qui est déjà attaché aux publications d'albums cartonnés? Ce serait intéressant de surveiller ça. Les deux premiers titres annoncés, évidemment, c'est des bandes dessinées à caractère jeunesse ou adolescent. Alors c'est Isaline et Appa. Isaline, c'est l'histoire d'une adolescente timide qui prépare un gâteau magique pour son amoureux, mais qui a fait une erreur à quelque part. Et appât, elle va raconter les aventures d'une petite fille que les pêcheurs du village utilisent comme appât. Un jour, elle va sauver un dragon qui va devenir son ami. Alors voilà, pour quelques actualités en musique cette semaine, la formation qui nous accompagne, eh ben c'est Cluster Fudge avec leur album Chumble Fuzz, pardon. Je me donne des titres assez complexes parfois à dire, et on en écoute immédiatement un premier extrait qui s'appelle Gear Mouth. À l'écoute, je vous le rappelle, de La Vie en BD. D'ailleurs, si vous avez envie de replonger dans nos archives, de réécouter certaines des entrevues qu'on vous a offertes au fil des dernières années, ben c'est possible de le faire en allant sur le blog de l'émission lavieenbd.wordpress.com, et également, si vous voulez nous suivre, avoir des informations sur l'émission, des informations aussi sur la BD au fil de la semaine entre nos rendez-vous hebdomadaires, eh ben on vous invite à nous suivre sur notre Facebook, facebook.com/lavieenbd. Alors, tel que mentionné, ben, plusieurs parutions qui étaient arrivées en fin d'année dernière, et on continue. La période de janvier-février, c'est consacré en partie au rattrapage des titres dont on voulait vous parler, mais autour desquels on n'avait pas encore eu le temps de le faire. Alors, ben, maintenant, on le prend, ce temps. Et on voulait le prendre notamment pour la bande dessinée Dominique, qui est publiée du côté du studio Lunac, une série qu'on avait déjà eu l'occasion de découvrir sur la plateforme Kimik.com, mais qui maintenant connaît son itération papier. Et pour en jaser avec nous, ben, son auteur, Yann Mongrain, est au bout du fil. Bonjour. Salut. Alors, ben, peut-être, je te laisserai le soin de nous présenter un peu l'univers de Dominique. Qu'est-ce que c'est, donc, cette bande dessinée-là? C'est un peu difficile à décrire. C'est un univers un peu onirique. Je suis quelqu'un qui a été très influencé par les films de David Lynch, par les films de Miyazaki. Puis j'avais envie de faire quelque chose qui allait un peu au côté du rêve, un peu au côté... espèce de rêve éveillé vers laquelle tu comprends certaines choses de toi-même. En tout cas, c'est quelque chose d'un peu abstrait. Je suis pas vraiment une partie d'une idée claire pour cet univers-là. C'est quelque chose que j'ai développé à partir d'un personnage, puis d'intention que j'avais envie de faire, que j'ai développé en espèce d'univers entre le rêve et le cauchemar, un peu fait de fantômes. Des fantômes qui sont en fait sont plus davantage des idées que des fantômes en tant que tels, au sens classique du terme. C'est plus dans la symbolique qu'un peu, si on veut. Oui, puis en fait, dès le départ, on a une part de mystère qui est très importante, qui est inhérente à cette BD-là. Ouais. Le personnage se réveille, on ne sait trop où, il se réveille, on sait trop où, et lui-même se demande qu'est-ce qu'il fait là, et essaie de se raccrocher à la seule indication qu'il a, en fait, se met en quête d'un individu, en quête d'une personne. Oui, exactement. C'est un peu ça l'histoire, en fait, l'intention en général. C'est une sorte de quête de soi à travers laquelle le personnage ou les idées ou l'être humain finalement subit une transformation, une sorte de métamorphose finalement. Mm-hmm. Oui, puis je me rappelle en fait, Yann, dans un des descriptifs, un des premiers synopsis de Dominique, tu décrivais le personnage, en fond, comme une représentation de, et je cite, l'innocence entêtée de notre monde humain, qui refuse de changer, d'aller de l'avant dans l'espoir de rester le même. Ça fait écrire assez bien que ce que le personnage aime bien, que le personnage ne le comprend pas bien lui-même. Mm-hmm. Mais comme que c'est un personnage que je veux quand même humain. C'est un personnage qui représente une idée. C'est une idée qui est humaine, une idée qu'on se fait de soi-même, peut-être. C'est un personnage qui va changer, qui va grandir, peut-être. Mais à cause que c'est un personnage qui vit dans un monde d'idées, ben changer, ça implique certaines choses. Mm-hmm. C'est de là que vient l'espèce de... que j'ai l'invention de créer comme une sorte de... excusez-moi, de tension. Et à tout ça, il y a un côté aventure qui est marqué là-dedans. Il y a des séquences d'action avec des séquences plus calmes. Il y a un côté très Odyssée aussi. En fait, il y a une quête qui est très nette là-dedans qui vient, j'imagine, donner une structure aussi au récit que tu proposes. Oui, c'est un peu l'idée d'immersion, en fait. J'ai réalisé en travaillant un peu par erreur, que ce genre de style que j'avais choisi de faire, de style comme semi-muet, de raconter plus par image, ça se prête mal pour certaines choses, mais ça se prête très bien pour d'autres. Par exemple, l'immersion, ça se prête très bien pour ça, parce que quand tu es constamment en train d'exposer le lecteur à un nouvel environnement, aux actions du personnage, puis j'ai pris un peu le pari d'essayer de vraiment immerser par l'odyssée, par les actions, d'essayer de mettre le lecteur très proche du personnage, de très rarement s'en séparer, le moins possible, en fait, pour essayer de s'approcher d'un peu de cette idée-là, d'essayer de créer un rapprochement entre le lecteur et le personnage par le fait d'avoir vécu toutes ces aventures-là avec. Et en même temps, à travers ça, c'est un personnage, en fait, votre personnage central, donc cette petite fille qui se retrouve dans ce monde d'idées-là, c'est un personnage quand même, somme toute, au départ, en fait, léger, innocent, qui lui est plongé dans un monde qui est dystopique, qui est sombre, qui est plus... Ouais. Ouais, on peut imaginer comme si c'est une dystopie. C'est un peu si on prenait un peu ce qui se passait de mal ici, puis on projetait 50, 100 ans peut-être dans le futur, puis que tous les choix qu'on espérait que ça allait bien, finalement, ça a tout mal été, puis ça donnerait un peu cet univers. Cet univers où il y a eu beaucoup de retraits, l'humanité s'est un peu retirée de ses idées. En même temps, pour c'est tout le monde un peu dans cet univers-là, les fantômes comme les humains ou la réalité, si on veut, qui est représentée plus en gris, tiennent encore à leurs idées, même si c'est des idées qui ramènent peu à peu à la dérive, un peu comme un bateau qui va s'en va à la dérive, puis un capitaine qui est entêté à maintenir sa direction malgré que ça va causer la perte du bateau. C'est un peu une vision dystopique, mais à travers ça, ce que j'ai envie d'explorer, c'est l'impression que j'ai de la vie, c'est quand même que dans les situations les plus sombres, souvent, la nature est plus forte. Mm-hmm. Que soit, puis il trouve des façons de grandir à travers ça. Grandir à travers la dystopie. Oui, parce que d'une certaine façon, en fait, je veux dire, avec un récit comme ça, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent « Ah, mon Dieu, ça doit avoir l'air lourd, sombre, dense », mais non, pas du tout, au contraire. Il y a même un côté aussi, dans la priorité que tu as fait de mettre des personnages justement semi-muets, ben ils parlent par onomatopée, ils parlent par image, ouais. Par dessin, il y a un côté léger dans le trait, dans la manière d'aborder cet univers-là. Il y a une légèreté que tu as mis de l'avant, et dans le semi-muet, ça apporte aussi une certaine légèreté à tout ça. Oui, absolument. Puis je savais que avec un thème comme ça, je pouvais pas vraiment... En tout cas, je me sentais mal à l'aise d'être sérieux puis d'être solennel. Je sentais pas que j'aurais l'expérience. J'ai quand même l'expérience. En parlant, mais j'avais pas l'expérience pour être capable d'aborder un sujet-là à la hauteur du sérieux que initialement peut-être que je voulais faire. Puis j'ai réalisé que, de toute manière, en tant qu'artiste, je suis plus à l'aise dans les trucs. Quand j'ai une approche, en tout cas, plus simple. Il n'y a absolument rien qui empêche. Il y a même des grands artistes comme Charlie Chaplin qui ont traité des sujets très, très difficiles, mais avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de simplicité. Puis généralement, quand tu fais ça, souvent les idées passent très bien, sinon même mieux, que quand tu traites ton sujet de façon sérieuse. Les onomatopées, c'est une façon de se distancer de certains. C'est un test au départ qui s'est avéré être un jeu très amusant. Puis ça finit être très utile à l'histoire, à l'essence, à l'idée de l'immersion, mais aussi à l'idée du fait que ça crée comme une distance, un peu une distance utile pour le lecteur et le personnage, parce que le lecteur est constamment en train de comprendre ce qui se passe, puis c'est ça que je veux. Oui, bien en fait, ça force le lecteur à être actif. On peut pas simplement lire passivement. On construit notre récit. Et à la limite, c'est ce genre de BD où j'ai l'impression, personnellement, on lit une fois, on va avoir une interprétation. Mais après ça, quand on le relit, peut-être soit plus lentement, soit différemment, soit dans un autre contexte, bien OK, on va aller chercher d'autres finesses. On va travailler avec toi, dans le fond, à la construction de notre perception de ce que tu nous proposes. Oui, Exactement. C'est là que le récit prend vie. Puis à quelque part, c'est ça, c'est là que c'est vraiment le fun. Là. C'est que j'ai entendu déjà plusieurs personnes avoir leur propre interprétation de ce qu'ils avaient compris l'histoire. Puis moi, ça fait tout à fait une affaire. Ça. Et en même temps, le fait d'avoir, parce qu'on parlait tout à l'heure de s'approprier le personnage, justement, de se reconnaître en eux, le fait d'avoir fait le choix du muet ou du semi-muet, j'ai l'impression que ça t'a forcé un peu, parce que tes personnages sont très expressifs aussi, justement, à travailler leur expressivité, à travailler le transit d'émotions par les visages, par les faciès, pour que ça soit toujours très clair, puis très, très vivant, somme toute, comme dessin aussi. Ouais, ça a été quand même un défi, mais même un point, je me suis rendu compte que, surtout dans cet épisode-ci, que je me servais dans certaines onomatopées comme une béquille. Peut-être moins les expressions, le facial, le mouvement. Ça, j'ai vraiment appris, il a fallu que je sois plus expressif parce que comment tu exprimes certaines idées qui sont assez complexes, comme je me sens un peu perdu, peux-tu me dire où est la sortie? Ben, c'est difficile à exprimer en une case. Je disais des paroles, je serais juste à l'écrire, ça serait fini. Mais là, il faut que je prenne le temps. Je n'ai pas plusieurs pages, même, pour être capable d'exprimer une idée que En mots simples, ça serait l'affaire d'une seule case. Mais le fait de faire ça, encore une fois, ça l'expose, en tout cas, à mon avis, ça l'expose un peu le lecteur à s'approcher du personnage par les actions, par ce que le personnage fait, comment il réagit. Ça crée comme une sorte de proximité, genre, par la suite. Puis, c'est la même chose avec les onomatopées, les onomatopées, c'est un défi, parce que c'est un peu pour la même chose. Faut que les idées soient claires, faut que les dessins soient compréhensibles, ça n'a pas été évident. Oui, puis trouver des bons référents. En fait, ce qui évoque pour toi quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui évoque autre chose pour moi. Donc, il y a un défi d'universalité là-dedans, dans la manière de présenter les termes, dans le fond. Oui, absolument. Puis des fois, j'ai réalisé que ça m'a forcé pour certaines choses, en tout cas, à vraiment simplifier le propos que j'ai. Je peux pas. Si je veux aller, en tout cas, dans le futur, dans des propos plus complexes, il va falloir que je le développe par les actions, par les séquences, par l'ensemble du récit. Je peux pas le faire en quelques pages. Parce que faut que je me réduise à essayer de t'exprimer quelque chose de plus simple possible, surtout quand que je veux être précis. Faut que ce soit le plus simple, le plus générique possible. Sinon, si je suis trop précis, il y a des affaires qui vont juste absolument pas passer. Mais d'info, c'est bien. C'est bien d'être abstrait et de dire, l'acteur l'interprète comme qu'il voulait. De toute manière, ça va très bien avec l'univers, avec l'histoire. C'est quelque chose de crucial, en fait. Et Dominique aussi, Yann Mongrain, c'est une histoire avec une ambiance, j'ai l'impression, quand même assez forte. Et quelque chose qui frappe dès les premières pages, en fait, c'est marqué par le choix de couleurs que t'as fait. Que des gris, que des tons bleutés. Il y a un peu de rouge qui revient, donc un peu le fil rouge de l'histoire, cette quête-là. Mais sinon, tout est en gris et bleu. Ouais. J'essaie de créer comme une différence, justement, entre l'univers que le personnage habite, le fait que ces personnages-là sont différents. Ça va devenir plus évident, je ne vais pas trop en dire. Je suis en train de travailler sur le deuxième. Ça va devenir plus évident avec les épisodes qui suivent, où ce que les personnages sont, puis qu'est-ce qu'ils sont en réalité, qui est lié, puis etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose que je développe ou que je vais développer au fur et à mesure. Mais justement, j'avais besoin qu'il y ait une différence entre les personnages qui sont bleutés, qui sont comme dans leur univers à eux, mais qui cohabitent un peu avec cet univers-là, plus gris, plus sombre, qui s'est passé quelque chose, mais qu'on ne sait pas encore exactement quoi, en détail. Oui, puis ça les fait sortir de la page aussi. Je trouve que ça leur donne presque un relief. Oui, absolument. Puis ça l'aide à la lisibilité, ça fait que tout ce qu'on fait, au final, là, ça m'a aidé en termes de lecture, là, de l'histoire, là, le fait de... Tu vois les personnages plus facilement, en tout cas, si l'environnement est coloré. Et la première publication de Dominique, ça a été pour le web, donc via chimique.com. Ouais. Est-ce que ça nécessitait, dans le fond, une structure qui était différente? Parce que là, on était dans l'épisodique, un certain nombre de cases par semaine. Fallait avoir des chutes à la fin des séquences pour amener le lecteur à lire la semaine suivante. Est-ce qu'on aborde différemment d'un livre plus traditionnel? Ben, au départ, oui. Au départ, j'essayais, en tout cas, de formation, j'ai appris à essayer de faire mes découpages puis mes histoires de façon à ce que la page enchaîne une page, une autre page. Mais comme que je me suis rendu compte bien vite que comme c'est une histoire qui est muette, donc qui nécessite pas mal de pages avant qu'il se passe quelque chose, c'était pas nécessairement la chose la plus idéale pour le web, en tout cas pour la publication à la semaine. Que je publiais deux semaines environ, deux pages par semaine. Mm-hmm. comme ça environ. Fait que ça me forçait souvent de me commettre à des choix. Puis je disais, oh, je vais choisir de faire dessiner ta personnage. Puis là, ben, okay, je suis pogné avec. Fait que j'avais pas toujours le loisir d'avoir énormément de recul entre des pages. Puis ça joue beaucoup sur les choix que j'ai faits, sur la structure que j'ai dû prendre, malgré le fait que je me suis rendu compte bon, que c'est pas le type d'histoire qui est idéal pour le web. Mm-hmm. Ça donne un récit plus instinctif à la limite, là. Exactement, exactement. Puis je veux pas travailler à la semaine, les choses avancent. Ça avance très vite. Et justement, tu le disais, tu travailles déjà sur le deuxième tome, donc en version ouais. web, mais qui, j'imagine, va avoir aussi son appendice papier par la suite. Ouais. Puis là, on a eu des discussions un peu avec Lunac, parce qu'on se rend compte, OK, ben, c'est quand même une façon de produire qui est très restrictive, surtout si le type d'histoire que tu racontes n'est pas idéal pour publication la semaine. Fait qu'on songe, là, au lieu de publier deux pages par la semaine, est-ce qu'on attend d'avoir un certain nombre de pages, qu'on publie ça en petit batch, pour laisser le temps aux auteurs de dire de penser ce qu'ils sont en train de faire, à décanter, mm-hmm. puis d'essayer de construire un peu mieux certaines choses. Oui, de tirer au maximum les possibilités du médium, puis de voir un peu ouais. qu'est-ce qu'on est capable de faire, parce que nonobstant les blogs BD ou ces choses-là, mais Kimik, en fait, c'est un peu la première vraie plateforme de webcomics en province, là. Ouais, ben, de webcomics, en tout cas, qui sont pas nécessairement des strips. Pas mm-hmm. que j'ai quoi que ce soit contre les strips, là, mais seulement si ça implique que faire des strips, bon, ça implique une certaine sorte de rythme de publication, plus propice à certains types de plateformes en général, mais c'est souvent ce qu'on avait sur le web, les trucs à la semaine, des strips, des histoires qui se terminent, ça passe le gag prochain, c'est un autre gag. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. On essaye de faire des histoires qui se continuent, puis bon, évidemment, ça a ses implications. Et évidemment, les gens peuvent découvrir justement ce que tu proposes, l'univers de Dominique. On peut avoir un aperçu, un avant-goût en version web sur kimik.com. Et ensuite, on peut découvrir aussi, ou en parallèle, on peut découvrir la version papier, justement, Studio Lunac, qui a été publiée il y a quelques semaines de ça. Oui. Puis je tiendrais à dire, si vous me permettez, par contre, il y a des différences entre la version web et la version papier. J'ai fait beaucoup de corrections. Une fois que j'ai fait la version papier, fait que je dirais qu'il y a une différence dans l'histoire entre les deux. On pourrait dire la version définitive, c'est celle papier. La version, c'est plus, ouais, c'est plus la version papier. Et peut-être l'option un jour, peut-être, d'updater la version web. Mais j'ai bien du monde qui m'ont dit qu'ils aimaient aussi la version web, même si c'était légèrement différente. Et peut-être plus brute, si on veut. En fait. Ça le travail un peu plus. Mais Yann Mongrain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Salut, là. Salut bien. Alors, je le rappelle, Yann Mongrain, qui est l'auteur donc de la bande dessinée Dominique, bande dessinée qui est disponible au studio Lunac. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous et toujours en musique. Donc, je rappelle la formation Cluster Fudge avec leur album Shambles Puzz. Et ben, petit clin d'œil à une bande dessinée qui est arrivée tout récemment, fait une affaire d'une ou deux semaines dans ma petite pile de lecture. Et évidemment, je m'en suis emparé très rapidement. On en avait parlé, on l'avait annoncé l'année dernière, donc les éditions Pawpaw qui avaient fait un partenariat avec Louis Trondheim, donc son dernier ouvrage, Capharnaüm, qui est publié du côté européen à l'association, mais avait désir donc qu'il sorte conjointement, simultanément au Québec. avec un prix peut-être le plus accessible possible. Alors, c'est ce qui a été fait et les éditions Papar ont donc proposé ce récit qui s'appelle Capharnaüm. Donc, première collaboration, première arrivée, dans le fond, de M. Trondheim du côté de Papar. Alors, qu'est-ce que c'est ce récit-là? Eh bien, c'est un retour, évidemment, de M. Trondheim à un exercice qu'il avait déjà fait dans le passé avec Lapineau et les carottes de Pantagonie. Donc, c'est cette idée d'improviser une histoire sans crayonner, sans travaux préparatoires, et eh bien, de voir où ça va le mener. Donc, je crois qu'au début, en fait, il avait lancé l'idée de l'en faire une histoire de 5000 pages. Finalement, il s'est rendu à 280, et pour X, Y, Z raison, il l'a arrêté. Ce qui fait aussi que ce livre, Capharnaüm, est accolé du sous-titre « Un récit inachevé ». Et ça donne une perspective dès qu'on commence le livre, dans la mesure où l'on sait intimement que on aura droit seulement à une partie, à un épisode, si on peut dire, de cette histoire. À la limite même, je dirais, c'est le principal défaut, voire, selon certaines critiques web, le seul défaut, ou presque, de cette proposition-là, c'est le fait que ça sonne un peu comme un tome 1, et d'un tome 1 dont on sait qu'il n'y aura jamais de tome subséquent. Donc, Trondheim avait travaillé là-dessus, je crois, autour de 2005. Il s'est intéressé à une histoire assez particulière, l'histoire de Martin, libraire par intérim, amateur de bande dessinée, sans histoire, à la vie peut-être un peu morne à la limite. Et à un moment donné, ben il y a un lézard qui fait irruption dans la librairie, donc une librairie de la ville qui s'appelle Capharnaüm, donc un lézard qui s'appelle Gashinga, et qui veut dérober une précieuse collection de manuscrits médiévaux. Dans la cohue, Martin entrevoit le visage du vilain lézard masqué et devient, sans le vouloir, au cœur de la lutte entre Gashinga et un justicier masqué qui s'appelle Willard Watt, qui veille sur la ville de Capharnaüm. Donc, vous reconnaissez peut-être aussi à travers ça des allures un peu de comics de super-héros. Donc, Capharnaüm qui peut-être avoir des allures un brin de Gotham City, pourquoi pas, une ville quand même assez sombre où on se livre une lutte à finir entre le bien et le mal, où il y a du crime, de la corruption, où c'est pas très rose, si on peut dire, ce qui se passe là-bas. Et parallèlement, Martin, lui, qui suivait les aventures BD de Willard Watt, édité... ça et là, se retrouve en plein rêve de fanboy, donc de se retrouver l'acolyte de son super-héros favori et de toute sa troupe. Alors, à travers ça, évidemment, on reconnaît le style Trondheim, on reconnaît l'univers Trondheim, un récit qui est loufoque, des personnages un peu, disons, stéréotypés, mais des stéréotypes charmants et sympathiques, si on peut dire, des caricatures, dans une certaine mesure. Ça fonctionne très bien. Le récit et charmant, il se dévore quand même vraiment avec une efficacité redoutable de ce côté-là. C'est vraiment, en fait, je veux dire, pour un récit improvisé, sans crayonner, sans planification, sérieusement, ça se tient. Et c'est le genre d'exercice, quand on connaît justement les circonstances de réalisation, qu'on ne peut qu'applaudir comme lecteur. Je veux dire, c'est pas rien de réussir à accomplir des choses de cette teneur-là. Alors, voilà. Donc, c'est pour l'exercice, ça vaut le coup. Pour la force du récit, ça vaut le coup. C'est vraiment sympathique et agréable à lire. Un très beau coup, une très belle prise, évidemment, des éditions Papar de ce côté-là, qui nous permettent de réassurer encore une fois le talent de Trondheim. Mais malheureusement, c'est aussi un récit inachevé. Et en ce sens-là, on commence à lire en sachant que ça va se finir en queue de poisson. Et quand ça se finit en queue de poisson, on aurait eu envie qu'il y ait un deuxième tome ou d'autres trucs à côté. Mais bon... c'est les aléas de l'existence et soyez certains que la portion du récit auquel vous avez accès, elle se lit délicieusement. Alors voilà, ça s'appelle Capharnaüm, c'est de Lewis Trondheim et c'est édité au Québec du côté des éditions Pow Pow. On prend une pause, au retour, Mathieu Place et Michel Giguère. Après le grand succès des Trois Exils de Christian E., le Théâtre Sortie de Secours de Québec, le Théâtre L'Escaouette de Moncton et le Théâtre français du Centre national des arts d'Ottawa présentent Le long voyage de Pierre Guy B., une odyssée déjantée qui groove. Celle de Pierre Guy B., comédien percussionniste dont la soif de vérité conduira le spectateur dans des contrées insoupçonnées. La pièce est présentée du 10 au 28 février au Théâtre Périscope. Réservez vite 418-529-2183. Au Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Venez nous rencontrer au 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écoauthentique.com. La Rotonde Centre chorégraphique de Québec poursuit sa saison de danse contemporaine en vous offrant de janvier à mai 6 spectacles sensibles ou radicaux, parfois envoûtants, toujours énergisants. Les chorégraphes Brice Nozer, Pierre-Paul Savoie, Louise Lecavalier, Hélène Blackburn, Alan Lake et Victor Quirada feront éclore le printemps à Québec. Billets et informations sur larotonde.qc.ca ou par téléphone au 418-649-5013. Pour une troisième année, la Ligue québécoise L'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 22 février, 20h, au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise L'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez Brasserie romantique, Léviathan et Samba. À ne pas manquer au Musée de la civilisation, Brasserie romantique et Léviathan. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. 89.1 Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 et on poursuit nos forêts autour justement de la sphère du 9e art. Et ben, tel que mentionné d'entrée de jeu, il y avait le Festival d'Angoulême, il y a de ça quelques jours à peine, en fait, ça s'est clos. Le président d'honneur, ben, c'était Bill Watterson. Et la réaction naturelle d'un peu tout un chacun, c'était d'aller retomber dans ses Calvin et Hobbes. En plus, il a fait son premier dessin depuis un certain temps avec l'affiche. Et ben, Mathieu Place, tu as eu ce réflexe-là inné de replonger dans l'univers de Calvin et Hobbes. Ben oui, exactement. Hey, mais ça m'étonne, j'ai pas entendu le début de l'émission, j'étais en transit. Là, pour venir jusqu'ici là, à pied. Alors, j'ai pas entendu le début, mais Bill Watterson, c'est un auteur qui a la réputation d'être assez reclus, solitaire, ermite. Ça m'étonne qu'il ait fait l'honneur au Festival d'Angoulême de se présenter là. Il s'est pas présenté. Non. Il a fait l'affiche. L'année dernière, Angoulême lui avait donné son grand prix. Okay. Et finalement, les gens se demandaient, va-t-il venir? Ça a été rapidement le cas que non, il viendrait pas. Mm-hmm. Mais par contre, il a fait l'affiche du festival. Et ça, c'est quand même pas rien non plus. Parce que ça faisait un bon bout de temps qu'il n'avait pas fait de dessin. Ben oui, exactement. En fait, Calvin et Hobbes, ça a paru au début dans le milieu des années 80. Alors, 1985, c'est la première parution de Calvin et Hobbes qui a été syndiqué à l'époque. Là, pour ceux qui sont moins familiers avec le terme de syndication au niveau de la bande dessinée, en fait, c'est que c'est une compagnie qui va publier les bandes dessinées un peu partout dans tous les journaux américains et mondiaux. Alors, les journaux peuvent s'abonner à certaines publications, à certains strips, et quand on est syndiqué, ben dans le fond, on a la possibilité d'ouvrir notre bande dessinée là, à tous ces journaux-là. Alors, justement, en 1985, Calvin and Hobbes est sorti dans les journaux américains, et ça a été un succès quand même assez instantané. Là. Ça a vraiment été assez foudroyant comme succès. Et en fait, dans la première année, il paraît que toutes les bases de cette bande dessinée-là, que les gens connaissent peut-être bien à la maison, là, toutes les bases ont été établies dès la première année. Alors, on avait déjà le tigre qui était un toutou qui se transformait, selon l'imagination de Calvin, en vrai tigre. On avait les parents, on avait la voisine qui était l'ennemi juré de Calvin. On avait déjà le club anti-fille qui était dans la maison, là, dans l'arbre de Calvin. Alors, tous les éléments étaient là. Alors, vraiment, en 1985, ça a vraiment été une explosion. Calvin est sorti et ça a été un grand succès qui a duré à peu près une dizaine d'années, en fait exactement 10 ans, en 1995, le 31 décembre 1995, Calvin a arrêté. Bill Watterson a décidé que c'était assez. 10 ans, c'était assez pour lui. Il avait fait le tour de cette bande dessinée-là. Il a décidé de l'arrêter à ce moment-là. Alors, il y a beaucoup de choses très étranges par rapport à ce qui est arrivé avec cette bande dessinée-là, Calvin and Hobbes. Puis, parce que ce qui est fascinant quand on y pense, c'est que ça a autant marqué, mais au bout du compte, ça a duré seulement 10 ans. Aussi, ben, c'est pas rien, mais c'est... Exactement, ça a duré assez peu longtemps, parce que en bande dessinée, on est habitué d'avoir des bandes dessinées qui durent éternellement. On est habitué d'avoir Blondinette qui dure depuis, je sais pas quoi, 60 ans. Qui sont reprises, qui sont échangées, que les personnages survivent à leur hauteur, etc. Exactement, d'autres auteurs le reprennent. Spirou et Fantasio, ça a été la même chose. Des auteurs qui reprennent. Et puis bon, quand on compare le Spirou d'aujourd'hui du premier Spirou, c'est presque plus la même chose. Alors, on est habitué d'avoir en bande dessinée souvent des personnages qui durent très longtemps. Dans les strips américains aussi, là, alors on a Peanuts qui a duré très longtemps, Garfield, même chose. Alors, Calvin and Hobbes, ça a arrêté c'est ça, d'un coup, et c'est l'auteur qui a décidé que ça devait arrêter. Une autre particularité par rapport à Calvin and Hobbes qui détonne par rapport aux autres bandes dessinées américaines, c'est qu'il n'y a pas de merchandising qui a été créé à partir de Calvin and Hobbes. Bill Watterson a refusé Fred Natsek. Ben, c'est ça, exactement. Il a refusé toute possibilité de dessin animé, de toutou, de boîte à lunch qui est lié avec Calvin and Hobbes. Et puis, bon, là, j'ai regardé le fameux documentaire Dear Mr. Watterson cette semaine, en préparation à la chronique, et il disait là-dedans, selon les estimés, que Calvin and Hobbes aurait pu avoir le même succès en merchandising que, mettons, Snoopy ou encore Garfield. Là. Alors, on parle de centaines de millions de dollars. Et c'est vraiment gargantuesque, la possibilité de merchandising à partir de là. Mais Bill Watterson a refusé. Alors, c'est assez étrange parce que là, il y a comme deux classiques de la bande dessinée, c'est-à-dire la longueur de diffusion d'une bande dessinée, puis le côté merchandising qu'on voit souvent là, lié à la bande dessinée américaine, qui sont pas présents avec Calvin and Hobbes. Et puis bon, on se pose la question, tu sais, on se dit des centaines de millions de dollars, tu sais, c'est beaucoup beaucoup d'argent. Mais tu sais, des fois, en fait, Bill Watterson, dès le début de sa carrière, a quand même planté ses règles. Il a fait quelques discours au début de sa carrière, là, quand il a commencé à devenir populaire, les gens l'invitaient à des salons de bande dessinée, à parler devant les autres BDistes. Et puis, il avait vraiment établi qu'il y avait certaines choses en bande dessinée qu'il n'aimait pas. Il n'aimait pas le fait que c'est devenu très commercial. Tu sais, dans le cas de Snoopy, Garfield, bon, tu sais, on que sait que c'est... Que des dérives, à la limite, où les personnages sont plus du tout ce qu'ils étaient, finalement. Ils sont devenus des icônes commerciaux plutôt que des personnages de BD. C'est ce qu'il critiquait, en fait. C'est que une fois qu'on on sort de la bande dessinée puis qu'on met les personnages dans d'autres contextes de boîte à lunch ou de stickers qu'on met dans les fenêtres des voitures, eh bien, le personnage, en fait, son univers s'étend et puis là, ça détonne puis ça rend ça un peu plus cheap. Là. C'est-à-dire que l'auteur perd un peu le contrôle de son univers. C'est les designers, les gens qui font du commerce de produits qui prennent le contrôle un peu sur les personnages. Alors, c'est quelque chose qu'il critiquait dès le début. Alors, on peut dire que Bill Watterson a quand même gardé beaucoup d'intégrité. Malgré les centaines de millions de dollars qu'on lui offrait devant lui, ben il a décidé que les critiques qu'il faisait au début de sa carrière, il allait décider de les garder là, en tête. C'est sûr que la bande dessinée elle-même a dû lui apporter quand même beaucoup d'argent. On sait pas exactement le chiffre en tant que tel, mais il a pu finir sa bande dessinée en 1995 et vivre confortablement par la suite. Mais tu sais, avec l'argent, des fois, on en veut toujours plus là. Alors lui, à un moment donné, il a décidé de faire une ligne dans le sable là, par rapport à ça. Et puis bon, ben pour ce qui est de la longévité, ben il a décidé qu'à un moment donné, une fois qu'il avait fait le tour de cette bande dessinée là, de pas se répéter et puis d'arriver avec une bande dessinée, une œuvre qui était close. Vous pouvez justement aller acheter la collection complète des bandes dessinées de Calvin. C'est en 4 volumes. C'est des superbes beaux volumes. Vous pouvez les avoir aussi. Je pense qu'il y avait une collection en 10 volumes. Alors, vous avez pour chaque année de Calvin and Hobbes, vous avez un volume. C'est vraiment des belles collections là, qui ont été établies par rapport à ça. Je voudrais vous reparler justement du film conçu pour parler de Monsieur Watterson. En fait, il y a une particularité par rapport à ça. C'est un film qui est sorti, je pense, il y a un an ou deux. Et c'est un des des premiers succès de Kickstarter. Alors, Kickstarter, qui est le crowdsourcing. Le réseau de financement. C'est ça, réseau de financement. En fait, c'est un des premiers projets qui a été présenté à Kickstarter et puis qui a vraiment levé. Là. C'était un fan, un certain monsieur Shredder, qui avait décidé de faire un film sur Watterson. C'était un grand fan de Calvin and Hobbes. Il a présenté ça à Kickstarter et puis ça a levé. C'est devenu vraiment un grand phénomène. Un des premiers phénomènes de Kickstarter. Et puis, bon, il a décidé de faire le film par la suite, là, une fois qu'il y a eu le financement. Un des défauts du film, par contre, c'est que on n'a pas Monsieur Watterson. Alors, il parle plus, il donne plus d'entrevues, c'est plus une figure publique. C'est voilà. Ça. Tu sais, on se dit, bon, ben, tu sais, il y a un film sur lui. C'est le régent du charme de la BD. Ben, c'est ça, je me disais, c'est un des personnages là, mystérieux de la littérature en bande dessinée. Alors, on le voit pas, mais tu sais, on pouvait s'attendre à ça. Mais on a toute une collection de BDistes et puis de fans de bande dessinée qui présentent, en fait, l'influence que Monsieur Watterson a eue sur leur propre bande dessinée. Ils disent aussi, ils parlent justement de ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'absence de merchandising, les choix que Monsieur Watterson a fait par rapport à sa réclusion là du monde médiatique. Et peut-être pour comprendre aussi, pour permettre de bien percevoir l'impact que ce bonhomme-là a eu, que cette série-là a eu sur la sphère de la BD en général, parce qu'on pourrait dire 10 ans, il a fait une série, pourquoi on lui donne le Grand Prix et le reste, mais ça a été marquant, c'est un incontournable la BD, il faut lire Calvin and Hobbes. En fait, ce que les gens disent par rapport à Calvin and Hobbes, c'est un des marquants de la bande dessinée. Ils disent que c'est pas mal le dernier grande bande dessinée strip américaine de l'histoire. Là. C'est-à-dire qu'après, à partir de 1995, on se souvient que Internet a commencé à arriver. Alors, les bandes dessinées se sont progressivement déplacé vers le web. Et bon, on a les grands journaux qui ont commencé à réduire leur portion bande dessinée, à disparaître. Là, on sait ce qui se passe avec les journaux. Alors, le strip classique de bande dessinée a commencé à disparaître en 95. Et en 95, ben, on a la disparition de Calvin and Hobbes aussi. Mais souvent, les gens considèrent que Calvin and Hobbes, c'est le dernier grand classique de ce format-là. Et une des forces de cette bande dessinée-là, c'est qu'on a le texte qui était quand même assez fort. C'était drôle, mais en même temps, bah, on avait le côté philosophique là, qu'on pouvait retrouver, par exemple, dans Peanuts ou dans d'autres bandes dessinées de cet acabit-là. Mais le dessin était très fort aussi. Là. C'était pas juste de quelques traits puis répétitifs. Là. Une fois de temps en temps, Calvin s'imaginait des mondes de dinosaures, de vaisseaux spatiaux intersidéraux. Et puis, on avait la même qualité de bande dessinée que ce qu'on pouvait trouver dans les comics là, de super-héros là, à ce moment-là. Alors, il y avait vraiment toute une gamme de qualité. La qualité était là au niveau du dessin graphique et au niveau du texte. Alors, c'était vraiment un beau petit bijou là, de la bande dessinée. Et on peut considérer que Watterson a quand même conserver la préciosité de ce petit bijou-là en l'étendant pas dans le merchandise. Oui, il n'a jamais été édulcoré. C'est ça. Fait que c'est un beau petit bijou. Ceux qui connaissent bien Calvin and Hobbes, allez-y vous replonger là-dedans. Parce que moi, j'ai découvert ça quand j'étais adolescent et puis j'avais vraiment trippé. Et puis, après ça, on le laisse de côté, on lit d'autres bandes dessinées. Puis en y revenant, ben on se rend compte que c'est vraiment un beau bijou. Là. Alors, allez le découvrir ou le redécouvrir, ça vaut la peine. Ben voilà. Donc, petit rappel autour de cette série incontournable de la sphère anglophone et internationale de la bande dessinée. Le film aussi vaut la peine, mais c'est une lettre d'amour avant tout. Mathieu Place, à très bientôt. À bientôt. Ben voilà. Donc, regard sur la bande dessinée anglophone ici sur les ondes du 89.1 CKRL. We'll be right back. Et voilà, toujours, je vous rappelle la formation Cluster Fudge, tirée de l'album Chumbles Puzz, qui nous accompagnait cette semaine, un album que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Bandcamp. Et on le mentionnait d'entrée de jeu, bel anniversaire qui sera souligné le mercredi qui vient, donc mercredi 11 février. C'est le 10e anniversaire des rendez-vous de la bande dessinée à la bibliothèque Gabriel Auroi. Des rendez-vous qui sont animés par Michel Giguère et qui est avec nous au bout du fil. Michel, salut. On s'étonne après ça d'être devenu vieux. Mais disais, est-ce que quand tu as commencé cette aventure-là, est-ce que tu pensais faire aussi longtemps, faire 10 ans de ces conférences-là? Est-ce que je pensais vivre aussi vieux? Non, honnêtement, c'est venu de l'initiative là, de la bibliothèque Gabriel Auroi pour mettre en valeur les collections et offrir une activité aux usagers, aux amateurs de bande dessinée qui nous sort un peu, là, qui va au-delà d'offrir des livres. Et ça a été fait à l'essai, petit train va loin, une saison et puis l'autre. Ça a commencé assez modestement, puis ça a pris de l'envergure, tant à cause de l'achalandage, de l'assistance, que de l'ampleur des présentations là, sur lesquelles j'ai mis de plus en plus d'emphase. Là. Mais non, personne s'attendait à ce que ça prenne cette proportion-là. Là. Et tu as commencé, je pense, c'était janvier 2005? Oui, parce que au tout début, on avait vraiment parti ça au tout début de l'année en janvier, puis on s'est ajusté les années suivantes et on débutait plutôt la saison en février pour laisser le temps aux gens de revenir du congé des fêtes. Là. Donc ça s'est trouvé comme décalé, fait que ça fait vraiment 10 ans pile plein là, complété là, que ça existe et que ça roule. Là. Et tu avais commencé, en fait, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de faire une invitation à découvrir, dans le fond, explorer différemment la bande dessinée. Et tu avais commencé à l'époque avec une grande présentation sur la BD québécoise, dans le fond. Oui, le premier thème, écoute, j'assume, c'était une bonne idée, je pense, de commencer par la BD d'ici. Sauf que, souviens-toi, Raymond, il y a 10 ans, il y a du chemin qui s'est fait depuis 10 ans, là, tu sais. Fait que c'est sûr que, bon, les éditeurs qui nous ont offert plein de fleurons de la BD québécoise, ils étaient déjà là, mais ça commençait, puis c'était surtout moins médiatisé. Le public s'est élargi depuis 10 ans. Fait que je me faisais comme un point d'honneur là, de montrer, de faire un tour d'horizon d'où venait la BD québécoise, puis où est-ce qu'on en était rendu, là. Mais comme c'est arrivé souvent, c'est un thème quand même que j'ai repris. Tu vois, au début, Raymond, quand je disais que les présentations avaient pris plus d'ampleur, imagine-toi, on passait une heure et demie, 1h45, là, les gens assis à me regarder devant, debout, à leur montrer des couvertures d'albums. Je leur parlais de bande dessinée en leur montrant les couvertures des albums. Puis si j'ouvrais une page pour leur montrer une planche, ben écoute, c'est tout petit, puis les gens étaient assis dans la salle, puis entre nous, ils devaient rien voir. Et puis les gens avaient quand même l'air de trouver ça fort intéressant. J'ai jamais vraiment compris, ça m'épate encore. Mais à un moment donné, je me suis mis à faire numériser des planches et à les projeter sur écran. Au début, je te dirais qu'il y a quelques soirées, où moi j'avais déjà comme prof là, des banques de planches qui étaient sur diapo. Et oui, diapo avec le carrousel, tout ça. Et puis une couple de soirées comme ça qu'on s'est passé des petites vues. Mais autrement, il y avait rien qui était projeté. Donc ça change tout à partir du moment où les planches sont projetées sur un grand écran, si bien qu'il y a certains thèmes là, comme les femmes et la bande dessinée aussi. Je l'ai remis au programme parce que là, écoute, ça me permettait d'aller tellement plus loin. Oui, puis en même temps, reste que pour la compréhension justement de la bande dessinée, pour la comparaison aussi quand tu y vas sur une approche thématique, il faut voir ce qui est proposé, il faut voir la façon par laquelle les auteurs ont choisi de traiter ou voir de quelle manière ils orientent, ils mettent en scène leurs pages. Oui, parce que là, depuis tantôt, on donne des exemples de soirées où il y avait des thèmes, mais évidemment, il y a souvent aussi des invités. Presque la moitié du temps, je reçois des invités, et même que, à force de répéter un petit peu les mêmes questions-réponses, moi, autant que les invités, on aime bien ça aussi. Maintenant, j'ajoute un thème, je reçois quelqu'un, mais en plus, c'est orienté parce qu'il y a un thème qui se rattache à ça. Fait que tout ça pour dire que quand je reçois quelqu'un, que je présente soit l'œuvre d'un auteur ou sur un sujet donné, ça me permet d'aller tellement plus loin. J'entends encore Hervé Bourris de la région de Bordeaux, qui était justement venu, qui s'était prêté à l'exercice d'un entretien devant public, me dire à micro fermé après coup, je ne vois pas d'équivalent en France de ce que tu fais ici à Québec. Là. Mmh. Il cherchait, là, puis d'aller aussi loin, dans l'exploration du médium là, pour vraiment expliquer les gens. Puis à chaque soirée, c'est un petit peu le même processus. Ça commence en douce par des exemples assez faciles, puis plus la soirée avance, plus on va loin, puis les gens y suivent, puis qui sait, peut-être qu'on a des lecteurs de plus en plus avertis finalement. Et qu'est-ce qui fait, en fait, parce que justement, comme tu disais, Michel Giguère, d'un côté, il y a les invités, il y a les gens que tu reçois et avec qui t'analyses, dans le fond, tu décryptes, tu décortiques l'œuvre. Et en parallèle, il y a les thématiques plus larges où tu vas essayer de décortiquer l'œuvre d'un auteur, mais donc à partir de ton analyse. D'autres fois où tu vas essayer de relier les genres, de relier un esthétique. Donc, qu'est-ce qui t'amène un peu, qu'est-ce qui te guide dans ton choix de thème, puis dans la manière dont tu vas aborder justement une présentation X ou Y? Vaste question à laquelle il y a plusieurs réponses. D'abord, en toute franchise, c'est très subjectif, mais c'est mes goûts, mes amours. J'ai consacré deux soirées à Goscinny parce que j'ai une tendresse particulière. J'ai appris à lire avec Goscinny. Il y a des thèmes que j'ai présentés. J'ai fait une soirée sur Mars et Vénus en bande dessinée pour parler des bandes dessinées où on montrait le couple. Et puis, ça m'a pas empêché, après ça, de faire deux autres soirées sur les femmes et la bande dessinée. Tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y a vraiment des choses. Entre autres, il y a eu beaucoup de thèmes historiques parce que je me passionne pour l'histoire. Donc, il y a eu l'histoire du monde en 80 titres, la Première Guerre mondiale, Londres au 19e siècle, même l'histoire de la musique populaire aux États-Unis, deux soirées. Écoute, ça, c'est sûr qu'à partir du moment où je choisis quelque chose qui m'intéresse, je vais le livrer, je pense, avec vraiment plus de passion encore. Mais autrement, je me limite pas à mes goûts, là. Donc, il y a des fois que ce sont des thèmes plus ludiques pour tempérer les thèmes qui sont plus sérieux ou plus analytiques. Tantôt, ben, quand je reçois un auteur, ben, c'est pas toujours des gens pour qui je suis en extase. Puis souvent, je vais découvrir leur œuvre ou ça m'amène vraiment ailleurs, tant mieux. Et puis, enfin, ben, il y a bien des fois où j'essaie de rester à l'écoute des tendances. Il y a des choses qui s'imposent. Par exemple, la bande dessinée sur le web, la bande dessinée documentaire. Donc, c'est des phénomènes qui sont tellement intéressants que tu dis, aïe, aïe, aïe, il faut faire quelque chose avec ça, là. Oui, puis en fait, puis le spectre est large. Comme tu dis, il y a des thèmes qui sont plus sérieux, plus analytiques, où peut-être le professeur de BD en toi autant que l'amateur en ressort. Et il y en a d'autres qui sont plus ludiques, mais où j'imagine qu'il y a un côté aussi pédagogique à travers tout ça. Je prends exemple, en 2007, tu en avais fait un sur les bruits, la musique, les accents, les sons, les volumes, le son de la bande dessinée, comment on l'exprime. Et je veux dire, c'est rare, personnellement, en fait, je veux dire, qu'on prend le temps de réfléchir à cette approche-là et à la variété de processus à travers, on met en scène la musique en BD, finalement. Et tu le fais par après avec l'histoire de la musique aussi. Ouais, tu vois, Raymond, tu évoques ce thème-là qui m'avait, en fait, été suggéré par un habitué, quelqu'un qui venait aux rencontres, puis les gens ont toujours la possibilité de suggérer des thèmes. Donc, effectivement, ça m'arrive tellement souvent de commencer à travailler sur un thème en me disant « Ouh, c'est peut-être un petit peu ténu. Est-ce que je vais vraiment être capable de remplir la soirée? » Et la réponse est tout le temps « Oui, et même facilement, il y avait tellement de stock. » Donc, comme je disais tout à l'heure, la trame sonore de la bande dessinée, la bande sonore de la bande dessinée, ben oui, ça commence au début de la soirée. Tu sais, c'est rigolo, des exemples tirés, par exemple, d'Astérix, où est-ce qu'on voit comment jouer avec les accents, le ton de la voix, le niveau du volume, est-ce qu'on crie ou est-ce qu'on chuchote, comment exprimer ça dans un médium qui est muet, tu sais. Mais après ça, on avance durant la soirée, là, puis à un moment donné, on est rendu dans des trucs là, d'une subtilité, mais toujours en lien avec le côté sonore d'un médium qui a rien à offrir d'autre que de suggérer. T'sais, c'est dans le fond là, la bande dessinée est pleine de contraintes. Comme ça, il n'y a pas le son, il n'y a pas de mouvement, et c'est face à des contraintes qu'on fait preuve d'ingéniosité, puis qu'on multiplie les trouvailles pour contourner ces contraintes là, et c'est toujours passionnant. Et de ton côté, en fait, j'en ai mentionné quelques-uns qui m'ont frappé au regard, mais si tu avais à dire quelques coups de cœur dans les thèmes que t'as particulièrement apprécié plonger, parce que je pense que le terme plonger est bon, tu passes un mois assez intense à préparer ces rencontres-là. Ouais, ben écoute, c'est sûr que le professeur en moi, comme tu dis, des fois je vais dans l'analyse, ben je me fais plaisir, je peux aller tellement loin, j'ai consacré une soirée entière au rythme dans la bande dessinée, tu sais, juste parler du rythme en BD. Ensuite, j'ai fait une soirée sur la mise en page. J'ai fait deux soirées entières sur la mise en scène. Et puis même, pour une de ces deux soirées-là, il y avait plus de 50 personnes qui sont venues entendre parler de mise en scène en bande dessinée. Tu sais, fait que moi, quand je vois ça, là, ça me conforte évidemment dans l'idée de continuer, de poursuivre. Mais sinon, autrement, à part les thèmes historiques, là, qu'est-ce qui m'a particulièrement marqué? Je te dirais, c'est sur les deux soirées sur Goscinny, c'était même carrément émouvant parce que lui, il a eu une vie personnelle et professionnelle tellement pleine. Mais j'ai vraiment un souvenir assez ému lors du 5e anniversaire du programme de résidence, parce qu'à tous les mois de mars, je reçois le Québécois qui est allé passer 2 mois à Bordeaux et le Bordelais qui séjourne à ce moment-là à Québec. Mm-hmm. Et puis, lorsque ça a fait 5 ans, les 5 Québécois sont allés à Bordeaux, puis en fait, moi, je me suis joint au groupe, et un peu plus tard, les 5 Bordelais sont venus au Festival de la BD en avril, et puis, je me souviens que moi, j'avais un rendez-vous de la BD à ce moment-là, et puis la gang de Bordeaux descendait de l'avion, ils arrivaient à l'aéroport, ils sont venus directement à la bibliothèque, et alors que je commençais ma soirée, j'étais en train de m'adresser à l'assistance, je les ai vus, un après l'autre, rentrer, puis s'asseoir pour venir assister à la soirée. J'ai trouvé ça extraordinaire. T'sais, quel beau témoignage de l'espèce d'amitié qui est en train de se nouer entre les communautés de Bordeaux et Québec, là. C'était un bien beau souvenir, ça. Et Michel, mercredi prochain, donc le 11 février à 19h à la bibliothèque Gabriel-Leroy, ce que tu réserves, c'est un survol de tout ce dont tu as traité depuis 10 ans? Oui, mais un survol, pas dans un biplan, un survol dans un jet, un turbo-jet, ça va être la folie. C'est ça, on va vraiment parler de tous les invités qu'on a reçus et on va évoquer tous les thèmes, images à l'appui. Donc, ça va vraiment, ça va être un concentré de bonnes bandes dessinées. Mais je vais prendre les exemples les plus parlants, les planches les plus belles. Il va être question de BD américaine et de BD japonaise et de BD québécoise et européenne, puis argentine, etc. Il va être question de tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Ça va dans toutes les directions. Il y avait même des thèmes propres à intriguer, attirer des gens qui sont pas des lecteurs de bandes dessinées. Par exemple, une soirée qui s'appelait Gueule de ciné, Gueule dessinée, des personnages de BD inspirés d'acteurs de cinéma. On a eu des soirées sur des romans transposés en BD, ou même une soirée sur la passion du vin à travers Les Ignorants de Davodo et la série japonaise Les Gouttes de Dieu. Donc, tout ça mêlé ensemble, ça va faire tout un cocktail. Michel Giguère, je pense que l'invitation, elle est lancée. Et nous, on se dit à mercredi prochain et au mois prochain. J'y serai sans faute. Salut bien. Salut. Alors voilà, Michel Giguère, je rappelle, animateur des rendez-vous de la BD à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Prochain rendez-vous le 11 février. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. C'était Raymond Poirier au micro.